Voici un autre groupe de mots utiles. Changer de se dit cambiar de. Que l'on écrit C-A-M-B-I-A-R et plus loin de, D-E. Si vous traduisez en espagnol, il ne changera pas d'opinion. Vous direz no cambiará de opinión. L'apostrophe, comme nous l'avons déjà souligné, n'existe pas en espagnol. On dit donc « de opinión ». Comment direz-vous maintenant « je ne changerai pas d'opinion » Très bien. « No cambiaré de opinión ». Faites bien attention d'accentuer la terminaison de « cambiaré ».« No cambiaré de opinión ». Pour l'instant, nous avons vu des verbes « plus » dont le petit mot qui suit le verbe est identique dans les deux langues. Pourtant, ce n'est pas le cas de tous les verbes. Compter sur quelqu'un ou quelque chose se dit par exemple « contar con alguien o algo », littéralement « compter avec ». On l'appelle « c-o-n-t-a-r » puis, plus loin, « c-o-n ». Comment diriez-vous donc « je peux compter sur vous » C'est ça. Puedo contar con usted. Et comment diriez-vous? Je peux compter sur vous. Je sais que vous ne changerez pas d'opinion. Puedo contar con usted. Sé que no cambiará de opinión. Puedo contar con usted. Sé que no cambiará de opinión. Avez-vous utilisé sé pour je sais? Saber est vraiment irrégulier. Hein? Il remporte toutes les médailles d'irrégularité. Mais tenemos que saber utilizarlo. Nous devons savoir l'utiliser. Je vous répète donc la phrase. Puedo contar con usted. Sé que no cambiará de opinión. Il y a aussi des verbes qui sont suivis d'un petit mot en français, mais qui ne le sont pas en espagnol. C'est le cas de profiter de, qui se dit aprovechar. A P-R-O-V-E-C-H-A-R. Le « de » ne se traduit pas en espagnol. Comment diriez-vous alors « pourquoi ne profites-tu pas de cette opportunité, Carmen ?» Commencez par « pourquoi ne profites-tu pas ?» « ¿Por qué no aprovechas ?»« ¿Por qué no aprovechas ?» De cette opportunité, Carmen, attention, le « de » ne se traduit pas en espagnol. Esta oportunidad, Carmen. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad, Carmen? Oportunidad n'a qu'un seul P. Rappelez-vous de Caroline, que nous avons déjà évoqué plusieurs fois. Seules les consonnes présentes dans ce prénom peuvent se redoubler en espagnol. Maintenant, en utilisant deber pour dire devoir, comment diriez-vous nous devons profiter de cette opportunité? Debemos aprovechar esta oportunidad. Debemos aprovechar esta oportunidad. On pourrait aussi dire deberíamos aprovechar esta oportunidad. Le sens de l'obligation est alors moins fort. Deberíamos aprovechar esta oportunidad correspond à nous devrions profiter de cette opportunité. Malgré ce que l'on vient de dire, vous pouvez aussi utiliser de après aprovechar. Mais la structure est alors « aprovecharse de ». Et fais attention, car cette tournure implique une mauvaise intention, une idée de profiter de quelqu'un ou d'une situation. Dans l'exemple précédent, vous avez utilisé « deber » pour dire « devoir ». Si on fait suivre ce verbe du mot « de », celui-ci a un tout autre sens. « Deber de » se traduit aussi par « devoir » en français, mais on exprime alors une possibilité. Il doit y avoir ce que l'on cherche dans ce magasin. On dira en espagnol « debe de haber » pour « il doit y avoir ». Dites-moi, il doit être triste. Debe de estar triste. Debe de estar triste. En utilisant « dinero » pour « argent », traduisez-moi, il doit gagner beaucoup d'argent. Debe de ganar mucho dinero. Debe de ganar mucho dinero. Vous entendrez très souvent ce groupe de mots. Vous n'aurez donc pas de mal à l'assimiler. Revenons à des constructions identiques dans les deux langues. Se rendre compte de se dit darse cuenta de. Littéralement, se donner compte de. Et s'écrit darse, D-A-R-S-E, plus loin, cuenta, C-U-E-N-T-A, et de, D-E. Notez d'ailleurs que compte, de compte bancaire, se dit aussi cuenta. Donc, comme en français, on utilise les deux mêmes mots dans ces deux contextes différents. Faites attention toutefois, car dar n'est pas un verbe discipliné. Et au passé sans plongeoir, il se comporte comme s'il appartenait à la catégorie des verbes qui ne se terminent pas en ar. Roberto, tu peux nous aider ici et nous donner la conjugaison de dar au passé sans plongeoir? Claro. Di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Merci Roberto. Et pour ceux qui se demandent ce à quoi correspond disteis, il s'agit de vous avez donné, que l'on utilise lorsque l'on s'adresse à plusieurs personnes que l'on tutoie. Votre oreille s'habituera progressivement à cette forme avec vosotros. Nous ne l'avons pas souvent vu dans les autres méthodes, car Michel Thomas disait que l'on pouvait se débrouiller sans elle, et que l'on peut l'apprendre par nous-mêmes lorsque l'on progresse encore davantage en espagnol. Donc, en utilisant maintenant « darse cuenta de » et le passé sans plongeoir, comment direz-vous « je ne me suis pas rendu compte de ceci »? No me di cuenta de esto. No me di cuenta de esto. Et comment traduiriez-vous en utilisant darse cuenta de que je me suis rendu compte que vous pouviez venir avec moi? Me di cuenta de que podía venir conmigo. On garde le de en espagnol. Me di cuenta de que podía venir conmigo. On a vu aussi cette construction dans me alegro de que. Et « tengo la impresión de que ». Et une petite dernière. Dites-moi, je me suis rendu compte que vous pouviez lire en espagnol. Parfait. Me di cuenta de que podía leer en espagnol. Pourquoi ne pas prendre un magazine espagnol et vous en rendre compte par vous-même? Je suis sûr que vous comprendrez plus de choses que vous ne le pensez. Maintenant, si être d'accord avec se dit estar de acuerdo con, avec le mot acuerdo qui s'écrit A-C-U-E-R-D-O et qui s'accompagne de son ami con, C-O-N, qui signifie avec, comment diriez-vous je ne suis pas d'accord avec vous? No estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo con usted. Si jamais se dit nunca, comment diriez-vous je ne suis jamais d'accord avec vous? No estoy nunca de acuerdo con usted. No estoy nunca de acuerdo con usted. Vous pouvez aussi utiliser nunca en début de phrase. Nunca estoy de acuerdo con usted. Le mot no n'est alors pas employé. Cette formulation est également courante en espagnol. Vous savez que prêter attention à se dit prestar atención a. Donc, s'il vous plaît, preste atención à ce verbe. N'oubliez pas de les faire suivre des mots de, a, con ou en correspondant.